métier, ce top. Le rap, ma vocation, l'album 2009, oh yeah. On a la dalle. Par la paix, par la haine. Mon Dieu, écarte-moi de ces chiennes. Parce que eux veulent pas ma réussite. L'État persiste à nous niquer. Attention, le Zétan qui est ton maître faux pas. Les rôles de nos jours font les voyous et ça assume pas. Ce monde est encerclé de bas-gang et de dingue. À quoi ça sert ta forêt flexi, ça assume pas. À quoi ça sert de voir des cousins, tu les sors pas. Cette planète est dévergondée. Y'a trop de putes et de pédés. L'État veut nous opprimer, veut nous monoter, nous faire tourner les charbons. Faut qu'ils comprennent qu'on n'est pas des idiots. On veut tous en sortir par n'importe quel moyen. On essaye de survivre, même en chien. Mais cette vie de merde ne nous le permet pas. Alors j'écris ce son pour vous faire comprendre qu'on n'est rien dans cette vie. Est-ce sûr, peut-être, soir prochaine. Ce monde est fait plein de surprises. À force de me faire avoir, je suis devenu égoïste comme Picsou. Trop de mecs qui forcent, à force ça me rend fou. Ce soir, le Marsan s'habille de sortie pour vous braquer. Bonne nuit les petits, regarde derrière vous. Car du brouillard on sortira à nous. Trop de mecs charbonnent parce qu'ils n'ont pas le choix. On se doit de réussir pour pas tomber au fond du trou. Oh yeah. Y'a trop de mecs qui ont pas accès à moi. Trop qui inventent des histoires. À croire que ça les excite de prendre ma bite et se la foutre droit dans le cul. Trop qui rentrent au rêve à cause de balance. À croire que la vie c'est une histoire de romance. Et ouais gros, ce soir c'est la hague partie. Trop de gens qui lancent des enquêtes. À croire qu'ils ont fait un pacte avec les chemises. Venez me voir, vous allez écouter à la dynamite. Alors ne parle pas, espèce d'Afrique. Ok, c'est top. Nouvel album. Le Skyblock c'est W. Ouais c'est top, F142, WestLRock.com. Ok, allez-y. C'est du bon, la famille. On a la taille.